Hey yo, getting behind the mic. Je vais là, là, là, là où le vent me mène. Je vais là, là, là, là où le vent me mène. Depuis un peu plus de 7 ans, j'ai été de jour en jour. Et peu importe le temps, je vis la nuit, vois plus le jour. La dernière tournée en date s'appelait le saltimbanque-tour. C'était comme rêver d'éveiller de bouche, une voix remplie d'amour. Je ne sais de quoi demain sera fait. Alors je vis pleinement ce que vous m'offrez. Je me nourris de vos voix, vous ambiancez. Comme soulevé par le vent, je me laisse porter. Quoi que tu l'en sois, je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent me mène. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent m'entraîne. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent me mène. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent m'entraîne. M'entraîne, m'entraîne, m'entraîne. Je vais là, là, là, là où le vent me mène. Dès lors que je suis sur scène, je me sens libre. J'écris chaque soir une page de plus de mon livre. Si vous saviez comme j'aime sentir cette ambiance qui m'enivre. En quelques mots, je dirais simplement que je me sens vivre. Car ce que je préfère, c'est la scène. Malgré les coups que la fatigue m'assène. Et parfois, mon humour est obscène. Aucune de mes intentions ne sont malsaines. Non, non. Tu l'en sois, me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent me mène. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent m'entraîne. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent me mène. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent m'entraîne. Peu importe le futur, car le présent lui est ici. Je voulais simplement vous dire merci. Merci de me faire vivre ce rêve que j'aspire depuis petit. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Alors toi aussi, bats-toi pour tes rêves et bats-toi pour tes envies. Parce que rien n'est jamais acquis. Oui, alors bats-toi pour tes rêves et bats-toi aussi pour tes envies. N'oublie pas que l'on n'a qu'une seule vie. Qu'une seule vie, qu'une seule vie. Qu'une seule vie, qu'une seule vie. Je vais là, là, là, là où le vent me mène. Quoi que tu l'en sois, me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent me mène. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent m'entraîne. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent me mène. Je me laisse porter, la la la la la la. Je me laisse porter, la la où le vent m'entraîne. J'ai parcouru la France à votre rencontre, afin de pouvoir vous dire merci. Car même si les paroles un jour s'estompent, les actes eux restent gravés à vie. Un simple merci n'est pas à la hauteur pour vous dire à quel point je vous aime. 6e album, je déploie mes ailes et je suis mon cœur. Je vais là où le vent me mène.